Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Et bonjour à tous, bienvenue dans Ça commence par nous, c'est l'émission qui vous aide à changer le monde dans votre quotidien. Nous sommes en 2018 et aujourd'hui on se pose la question de la technologie au service de la construction d'un monde meilleur. Et oui, dans un monde de plus en plus connecté, avec Internet qui se faufile partout dans nos vies et des smartphones qui captent toujours plus notre attention, je me demande si on ne peut pas utiliser le fabuleux pouvoir de la technologie pour nous accompagner dans le changement au quotidien. C'est vrai qu'on fait de plus en plus le procès de cette technologie qui nous dévore, mais aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir si finalement ces outils ne peuvent pas également être les meilleurs amis de ceux qui construisent un monde meilleur. Parce que changer nos habitudes, il faut bien l'avouer, ce n'est pas toujours très facile. Alors si on peut avoir un peu d'aide, on ne va pas s'en priver. Et pour m'aider à répondre à cette question, nous recevrons tout au long de l'émission des spécialistes de ce domaine qui ont lancé des projets certifiés Tech for Good qu'on pourrait appeler la technologie qui nous veut du bien. Pour commencer, nous recevrons Jonathan Guyot, qui coordonne le projet Solidarité Climatique. Shafik Azal nous présentera Étiquetable, la première appli collaborative de cuisine durable. Nous aurons également avec nous Camille Colbu, qui viendra nous parler de Too Good To Go, une appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, je suis parti à la rencontre de Levent Akar, le cofondateur de la plateforme I Boycott. Sur le plateau avec moi, il y a bien sûr Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet, et Mélanie de OneArt, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Et je vous le disais, aujourd'hui on parle de la technologie qui change le monde et on accueille tout de suite Jonathan Guyot qui vient nous présenter le projet de Solidarité Climatique. Salut Jonathan. Salut Julien. Alors Solidarité Climatique, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un mouvement, alors c'est avant tout même une cause que porte le GRES depuis plusieurs années. Alors, le GRES est une ONG de développement international spécialisée sur l'accès à l'énergie. On aide beaucoup de populations qui, elles, sont vulnérables face au changement climatique. Cette cause nous anime depuis plusieurs années. C'est de dire aujourd'hui, nous devons, que nous soyons citoyens, entreprises, collectivités, agir à notre niveau pour réduire notre empreinte carbone et surtout ne pas oublier de soutenir les populations les plus vulnérables face au changement climatique. Et donc ça, cette cause est portée aujourd'hui par un mouvement qu'anime le GRES. Ouais, tu parlais de solidarité climatique, tu as parlé de personnes dans les pays de développement. C'est quoi le lien entre le réchauffement climatique et la solidarité ? Et bien finalement, les personnes les plus impactées par le changement climatique, ce sont les populations les plus vulnérables, sont souvent dans les pays en voie de développement, sont ces personnes qui ont besoin aussi de l'accès à l'énergie, qu'il faut pouvoir accompagner. Donc en fait, notre idée, nous, c'est de dire accompagnons-les à l'accès à l'énergie bas carbone. Par contre, n'oublions pas que pour lutter contre le changement climatique, nous devons tous agir, qu'on soit là-bas, mais aussi ici en France, nous allons tous pouvoir pour les aider, les soutenir quelque part. Donc deux volets, un volet sensibilisation ici dans les pays en développement et un volet action concrète, d'action, de maintien, de soutien, d'appui au développement de projets solidaires climatiquement. Exactement, le GRES est une ONG, comme je disais, de développement international, donc c'est plus de 50 projets menés par an. Ça va être par exemple rénover les hammams au Maroc, créer des zones d'activité électrifiées au Mali, diffuser des foyers de cuisson améliorés qui, eux, permettent de réduire l'impact climatique, la pression sur la forêt. Donc oui, effectivement, concrètement, nos actions se passent sur le terrain. Et aujourd'hui, avec ce mouvement, on souhaite sensibiliser le grand public, les citoyens, à ce que c'est cette solidarité climatique et surtout leur faire prendre conscience qu'ils peuvent agir pour le climat au quotidien et que c'est assez simple. C'est assez simple, à la fois, comme tu le disais, quand on n'a pas vraiment vécu ces choses-là dans notre chair, c'est pas évident de s'y mettre. On parle de technologie dans cette émission. Toi, tu es avec la banane parce que vous venez de lancer une super plateforme dans le cadre de ce projet de solidarité climatique. Vous entendez cumuler, si je dis pas de bêtises, 1 million d'actions. Exactement, on s'est fixé dans ce mouvement qui est fédéré avec des entreprises, des associations. On a par exemple la mairie de Paris, Nature et Découverte, Maison du Monde, du CREI. L'idée, c'est de dire on va mobiliser 1 million d'actions, donc nos citoyens, qui peuvent être les consommateurs, les collaborateurs, les habitants de Paris, par exemple. On va les mobiliser à agir pour le climat et on s'est fixé ce 1 million d'actions d'ici 3 ans. Allez, dis-moi des actions concrètes là. Il y a les gens qui nous écoutent, ils veulent dire attends, moi aussi j'agis au quotidien, comment ils font concrètement ? Alors, voilà, il y a la partie citoyenne où on peut agir concrètement en faisant des petites actions, c'est bête, mais prendre le vélo, c'est agir pour le climat. On est en train de remplacer l'utilisation de la voiture par de la mobilité douce. Donc tous ces gestes-là, tous les jours, beaucoup de personnes en font, et on veut montrer qu'ils agissent concrètement déjà pour le climat et qu'il y a plein d'autres actions à faire. On parle souvent de changer ses ampoules, mais on pourrait aussi parler de passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'avoir la présentation sur tout ce qui est alimentation. Pareil, changer son alimentation permet de réduire notre empreinte climatique, notre empreinte carbone, consommer local, consommer de saison, éviter de manger trop de viande, favoriser plutôt la viande blanche à la viande rouge. Il y a plein d'actions. Et donc, nous, l'idée, c'est qu'avec cette plateforme qu'on vient de lancer, c'est de proposer tous ces gestes qui sont très simples, de montrer qu'on agit tous à notre niveau et surtout de le compter. De dire, voilà, il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui qui agissent, montrons-le, et combien d'engagements on va lever. Et c'est vraiment redonner le pouvoir un peu aux citoyens, de dire, bah, on ne va pas attendre que les États se bougent, parce qu'on le voit, moi je participe à énormément de COP, le GRS depuis même depuis plusieurs années, on voit que ça bouge doucement, lentement, les entreprises commencent à accélérer, mais en fait ils ont besoin aussi que les citoyens accélèrent avec eux. Et c'est un peu notre idée de dire, voilà, on fait tous quelque chose pour le climat au quotidien. Oui, il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est de sensibiliser, de montrer qu'il y a plein de petits éco-gestes et de rappeler, en fait, toutes les choses qu'on peut faire. Mais surtout, l'autre qui me paraît vraiment essentiel dans cette démarche, c'est de les compter, ces gens. Parce qu'on a du mal à savoir si on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions en France à agir, à mettre bout à bout tous ces petits éco-gestes qu'on fait presque parfois sans y penser. Alors que là, si on commence à se dire, mais en fait, on est des centaines de milliers et on est capable de mettre bout à bout des millions d'actions, tout d'un coup, on va se rendre compte de notre pouvoir. Et en se comptant, on va peut-être aussi changer complètement d'échelle, non ? C'est exactement l'idée, hein, c'est de montrer le volume d'actions que peuvent faire les citoyens. Une entreprise, quelque part, si elle veut réduire son empreinte climat, ça va être très compliqué, ou même une ville comme Paris, ça va être très compliqué, ça n'embarque pas tout le monde. Et là, c'est de dire, voilà, on peut, dans notre quotidien, changer les choses. Assez simplement, et surtout, bah, montrer qu'il y a, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites chaque jour par les citoyens. Combien de temps vous vous donnez pour cumuler ce million d'actions ? Alors, 3 ans. Alors, la plateforme, cet outil de mobilisation digitale, en plus, qui permet de passage à l'action. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'engagement, je m'engage à faire tel geste, mais on donne les solutions. On donne, voilà, passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable, on retrouve des fournisseurs d'énergie renouvelable. Donc ça, cette plateforme-là n'a pas vocation à nous couvrir le million d'actions, puisqu'en fait, on crée avec nos partenaires des mécaniques de mobilisation en interne auprès de leurs salariés, mais aussi auprès de leurs clients, et on fait beaucoup d'animations qui peuvent même être offline, pour le coup, sans la technologie, ou parfois même on utilise la technologie pour comptabiliser concrètement le passage à l'action, par exemple avec Zeik, avec lequel on travaille. Pour les personnes qui nous écoutent, comment ils font là, s'ils veulent aller comptabiliser leurs actions, comment s'appelle le site, est-ce que tu peux nous redonner un peu toutes ces étapes ? Bah exactement, alors ça c'est simple, ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux, les pages Solidarité Climatique. Aujourd'hui on publie chaque jour les gestes qu'on peut prendre au quotidien. Sinon il y a le site web www.solidaritéclimatique.org où là vous pouvez trouver une section où vous pouvez vous agir et vous vous retrouvez directement sur la plateforme. Et ensuite cet outil est assez intéressant, il a été développé en partenariat avec Koum, c'est qu'on peut même intégrer ces gestes sur d'autres sites de partenaires, et comme ça on pourra les retrouver un petit peu partout dans l'univers du web. Voilà, donc le message, je pense, il est très clair. Pour toutes les personnes qui agissent déjà, bah, comptabilisons-nous et crions haut et fort que oui, on agit pour l'environnement. Pour les personnes qui influencent, qui sensibilisent, bah, aussi, ils peuvent contacter Solidarité Climatique pour dire, bah, regardez, moi, j'agis là-dedans, je sensibilise d'autres personnes. Et comme ça, ils peuvent se faire le relais de cette super initiative. Et puis, si jamais on est aussi un peu perdu, qu'on se pose des questions et qu'on a envie de savoir quel est le premier geste qu'on peut adopter pour s'y mettre, eh ben, on peut aussi se servir de cette plateforme qui accompagne, qui guide, qui donne des noms d'initiatives de manière très concrète. Solidaritéclimatique.org. Merci beaucoup Jonathan. Merci. Nous on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et puis bah voilà, hein, on vient de se lancer, on est dans le concret, la technologie qui accompagne le changement. On respire et on se fait une petite pause musicale. À tout à l'heure. penser à une allure vive et personne au volant ce rêve je le fais tout le temps ligoté par ma ceinture prisonnier de la voiture. J'ai le mur qui m'attend, qui Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. De retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on vous parle de la technologie qui aide à construire un monde meilleur. Ça commence par nous. Nous sommes avec Shafik Azal, cofondateur de l'application Étiquetable. Bonjour Shafik. Bonjour. Alors du coup, Étiquetable, qu'est-ce que c'est ? Alors Étiquetable, c'est un projet qui a pour ambition d'accompagner le changement de nos habitudes alimentaires pour aller vers une alimentation durable. Alors je dois juste préciser ce que c'est que durable, ce qu'on entend par durable, parce que c'est le fameux mot valise. Durable, c'est bon pour l'environnement, bon pour la santé, l'aspect nutritionnel, et bon aussi évidemment pour tous ceux qui produisent à manger d'un point de vue économique et social. Voilà. Moi, je suis très content de te recevoir, Shafik, et que tu puisses présenter Étiquetable, parce que je me mets à la place de tous nos auditeurs. Et en ce moment, depuis de nombreuses années quand même, on entend énormément de scandales. On n'y comprend plus rien. On parle aussi du végétarisme, mais on ne sait pas vraiment si c'est bon pour la santé. Il y a tellement d'informations qui sont mais complètement à l'envers l'une de l'autre que j'imagine une application qui regroupe un peu tout ça, ça fait du bien, non ? Oui, bah c'est exactement le constat qu'on a fait. En plus, on est au pays de la gastronomie. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un outil qui va accompagner le changement à tous les moments où on mange. C'est-à-dire quand on fait nos courses, Par exemple, dans l'appli, on va avoir les fruits et légumes de saison, on va avoir les poissons qui sont menacés de surpêche ou, et ceux qui sont plutôt recommandés selon les zones. Quand on cuisine, on va avoir des recettes qui sont bas carbone, qui sont de saison, qui sont végétales, bonnes pour la santé également. Enfin, voilà. Et puis aussi, éventuellement, si on n'a pas envie de cuisiner, d'aller manger au restaurant, eh bien, on a aussi dans l'application, on va retrouver tous les restaurants engagés, donc qui font du bio, qui sont locavores, végétariens évidemment, ou bons pour le climat. Voilà, et donc à toutes les étapes où on a ces envies-là, bah, dans l'appli, on peut retrouver des astuces et puis des informations qui nous aident. Je veux pas me faire un peu le porteur de mauvaises nouvelles, mais j'imagine, je me mets à la place de, encore une fois, de mes auditeurs, de gens qui nous écoutent. Ça fait des années qu'on nous raconte très souvent n'importe quoi. Donc pourquoi vous, on vous croirait plus que d'autres ? Alors nous, alors déjà moi, j'ai pas rappelé l'historique, mais en fait moi je suis un ingénieur de l'environnement et j'ai commencé à travailler sur les impacts de l'alimentation depuis 10 ans maintenant. Et en fait, voilà, j'ai travaillé sur ces sujets et je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Nous, on a commencé à faire le bilan carbone pour des clients dans la restauration, pour des collectivités locales. Et donc, on a très vite vu où étaient les enjeux, mais on a aussi, on s'est dit, il y a des enjeux sur la santé. On parle beaucoup, effectivement, de scandales sanitaires, la question du bio, du local. Et donc, on s'est dit, on va monter un projet crédible et sérieux. Et donc, sur la partie environnementale, on a des bases de données qui viennent de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Sur la partie nutrition, on travaille sur les données de l'ANSES, donc l'Agence de sécurité alimentaire. Par exemple, sur la liste des poissons, on va travailler avec une ONG comme Éthique-Océan, qui va tous les ans sortir un guide des espèces très rigoureux sur ces sujets. Et on fait appel à des experts, à des gens reconnus, on source toutes nos informations, et donc on ne vous dit pas ce qu'il faut faire, on vous donne des infos, et derrière le consommateur peut choisir en toute connaissance de cause. Vous pouvez éventuellement aller vérifier les sources de ce qu'on propose, et discuter, envoyer vos remarques. Des fois, on reçoit des questions sur « mais pourquoi je pensais que le local, c'était mieux que la saison ?» etc. Enfin voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir... On peut avoir une interaction avec les personnes qui sont derrière le projet Étiquetable. Alors, si on est client, on a téléchargé l'app. Ouais, complètement. Étiquetable est un projet vivant, est un projet, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais collaboratif. Ça, c'est vraiment l'ambition. Et donc, par exemple, quand on a démarré l'appli en septembre, on avait 250 restaurants qui étaient référencés. Et aujourd'hui, on en a 500. Et la plupart de ces restaurants nous ont été proposés par des utilisateurs ou par des restaurateurs. Mais donc, voilà, et on reçoit tous les jours des demandes d'intégration de nouveaux aliments, des questions auxquelles on répond. Donc voilà, c'est un gros travail qu'on a de faire vivre cette application. Ouais, génial, c'est hyper important ce que tu dis. C'est vraiment dire que la personne qui télécharge l'application, l'utilisateur, il n'est pas juste consommateur, mais au contraire, il peut valider ou pas ce qu'il a comme information. Et puis aussi, lui, parce qu'il a ses connaissances, son milieu, son circuit, proposer un peu ça et alimenter votre base de données. C'est ce que tu me dis. Absolument, et on croit en la vertu de la participation comme aussi mode d'engagement. C'est-à-dire que plus on participe à un projet, plus on va être soi-même engagé. Et donc, effectivement, ça marche dans les deux sens. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres un peu du nombre de personnes qui utilisent, de tous ces bons plans, ces aliments, peut-être, pour que les gens se rendent compte de l'ampleur du projet ? Alors, on a démarré il n'y a pas longtemps, donc en septembre 2017. Donc, on vient de commencer... Pour vous dire, on s'était dit, la première année, c'est la plus difficile, il faut se faire connaître, etc. On s'est dit, si on a 10 000 utilisateurs, on sera content. Mais en fait, aujourd'hui, on est déjà à 23 000 téléchargements. On a tous les jours entre 700 et 800 personnes qui se connectent à l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des gens qui ont téléchargé une fois, on a tous les jours des gens qui se connectent. La plupart des rubriques sont utilisées. Il y a des gens qui préfèrent utiliser les recettes, d'autres les fruits et légumes de saison ou d'autres les restaurants. C'est assez bien réparti. Et on a fait notre premier apéro, on a fait venir des gens, alors pour le coup physiquement, des utilisateurs, et on est en train de travailler depuis leur retour sur une prochaine version où on va améliorer encore les fonctionnalités et apporter des choses plus concrètes qu'ils nous ont dites. Donc application qui est vivante et une application qui est aussi est dans la vraie vie avec une communauté alors. Complètement, c'est l'idée. On est sur les réseaux sociaux, on vient de créer un groupe de discussion et effectivement, on essaye de se faire se rencontrer cette communauté aussi dans la vraie vie. Je fais un pont avec une des premières émissions qu'on avait enregistrées ici sur l'alimentation durable. On avait reçu Jean-Luc Fessard, qui est dirigeant fondateur de l'association Bon pour le Climat. Et à l'époque, il nous avait parlé d'un calculateur d'empreinte carbone de son assiette. J'ai cru comprendre que vous l'aviez intégré, hein, c'est ça? Alors, Jean-Luc Fessard était venu nous voir quand il a créé l'association Bon pour le Climat, avant même qu'Étiquetable existe. Et effectivement, nous, on avait développé un outil de calcul qui permet de calculer l'impact des recettes, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site. Et toutes les recettes qui sont dans Étiquetable ont leur bilan carbone, mais pas que, elles ont aussi leur bilan nutritionnel. Vous pouvez retrouver le Nutri-Score également qui est calculé, tout ça avec cet outil. Alors dans l'appli, on ne le voit pas, mais derrière, il y a effectivement cet éco-calculateur qui est derrière. Génial, c'est pas du pipeau, c'est pas du blabla, c'est testé par des spécialistes, des scientifiques, il y a des chefs aussi qui se sont penchés sur le sujet. Je vous recommande de télécharger Étiquetable, hein. Ça se trouve sur l'Apple Store et le Play Store, c'est ça? C'est ça, Android et Apple. Nous, Chafik, on reste ensemble tout à l'heure, on se retrouvera pour le débrief et on vous redonnera toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Tout de suite, on se fait une nouvelle pause musicale et ensuite on retrouvera Hélène, la fondatrice du projet Edeni, qui nous parlera du zéro déchet. Allez, à tout de suite. Caramel sur ta molaire. Je ne veux pas te dire au revoir, juste te plaire. Juste te plaire. par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. De retour dans l'émission Ça commence par nous, et moi je laisse le micro à Hélène qui porte le projet Edeni sur le Zero Waste Positif. Salut Hélène. Salut Julien. Et oui, la technologie a en effet beaucoup à voir avec le zéro déchet, puisque on le sait, derrière toute utilisation technologique, il y a forcément des matériaux qui vont être utilisés, beaucoup de ressources, de l'énergie, des serveurs, et donc la technologie est aussi une grande productrice de déchets. Et en même temps, c'est aussi une grande facilitatrice du Zero Waste, parce que le Zero Waste est à tort souvent vu comme un retour en arrière, à l'époque de nos grands-parents par exemple, et de leur manière de consommer, alors que c'est au contraire une évidence de modernité pour moi, de minimalisme, d'évolution, où le savoir et l'expérience nous invitent à évoluer vers davantage d'optimisation, de santé, d'écologie, d'éthique, suivant ce qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est ce qui nous permettra d'ailleurs de survivre. Et c'est au sein de cet élan que se trouve bien sûr la technologie, qui peut dans bien des cas aider à rationaliser des ressources, résoudre des problèmes en rassemblant sur Internet des données du monde entier, que ça concerne, comme on l'a vu juste avant, l'alimentation, ou alors que ce soit tout simplement pour l'utilisation de produits, de revente, de mise en réseau des bonnes pratiques. Un bel accélérateur, ouais, un facilitateur, on peut le dire, mais ce qui est certain, c'est que la technologie a également ses revers et qu'il ne faut pas les cacher. Comme beaucoup de choses, on a pas su forcément l'utiliser avec modération, que ce soit pour l'addiction digitale, la tête rivée sur ses smartphones toute la journée, j'en sais quelque chose, les smart grids ultra polluants ou les serveurs surconsommateurs. Donc on a encore du boulot pour mieux utiliser la technologie et ne pas en faire une fausse bonne idée. On nous vante d'ailleurs tellement le digital et sa capacité scalable à s'étendre sur de grands marchés qu'on oublie parfois d'en interroger l'utilité réelle et les coûts complets. Combien d'applis de vos téléphones portables utilisez-vous vraiment ? Et les objets connectés d'ailleurs. Je pense que nous avons une réelle responsabilité et obligation d'honnêteté intellectuelle à la création d'un produit digital. Parce qu'il sera dans tous les cas plus polluant que sa contrepartie dans le monde réel si elle existe. Par exemple, une boîte connectée qui fait bouger un petit cœur quand on lui envoie un message par Wi-Fi. Alors ok, pour ne pas citer de marque. C'est ta préférée celle-là. Voilà. On peut pas toujours, on peut toujours essayer de se persuader que c'est quelque chose de mignon, qui envoie un petit message d'amour à ses proches, voilà. Mais on a déjà tous des smartphones pour s'appeler et rien ne remplacera un déplacement et un vrai contact humain. Alors est-ce que c'est sérieux de couper du bois, d'utiliser des métaux rares, non éthiques et non durables pour la partie électronique, la batterie, des ondes encore supplémentaires et un gadget pour finalement dire à quelqu'un qu'on l'aime, quoi. Alors, les applis utiles au coût complet positif pour créer quelque chose vraiment d'utile dans la vie réelle, oui, mais la technologie pour la technologie, non. Et donc, pour continuer sur la lancée, on accueille Camille Colbu, qui vient nous présenter l'appli anti-gaspi Too Good To Go, qui évite, elle, le gaspillage alimentaire et crée des connexions aussi dans la vie réelle. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, Too Good To Go, comment ça fonctionne ? Togo, ça fonctionne très facilement. En fait, c'est une application mobile qui permet tout simplement de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc en fait, l'application Togo met en relation des commerçants de proximité, tout type de commerce, qui ont potentiellement des produits qu'ils ne peuvent pas remettre le lendemain, des invendus, du gaspillage alimentaire. Et donc l'application met en relation ces commerçants avec des utilisateurs qui ont l'application et qui vont pouvoir payer un petit prix et passer récupérer directement chez le commerçant, comme tu le disais, vraiment recréer du lien, récupérer ses produits. Et alors, vous avez combien d'utilisateurs à ce jour ? Alors, on a eu un peu plus de 700 000 téléchargements de l'application. Ça a été très rapide. On s'est lancé il y a un an et demi. On a vraiment senti un besoin de la part des commerçants et de la part des utilisateurs d'avoir une solution pour agir au quotidien et concrètement contre le gaspillage alimentaire. Et alors justement, concrètement, est-ce que vous avez une manière d'estimer le nombre de kilos de nourriture sauvés grâce à cette appli ? Oui, alors on a plus ou moins ça. Ce qu'on sait, c'est que grâce à cette belle communauté d'utilisateurs et la communauté de commerçants partenaires sur l'application, aujourd'hui, on a un peu plus de 2800 commerçants partenaires dans toute la France. Et ces communautés-là nous ont permis de sauver un peu plus de 500 000 repas en moins d'un an et demi. Donc ça montre vraiment une action concrète de l'utilisation de l'application. D'accord. Et à des personnes qui pourraient dire, bah, finalement, ces nourritures, c'est peut-être de... enfin, ces plateaux, ces plats, ils auraient pu revenir à des associations. Comment vous faites pour répondre justement à ces questions-là ? Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, l'application Too Good To Go a vraiment la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire, de sensibiliser et de travailler en complémentarité avec les associations. C'est-à-dire que dans beaucoup de commerces de proximité, les associations ne passent pas tous les soirs. Elles ne récupèrent pas tous les produits, malheureusement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur l'application les produits ou les commerçants qui n'ont pas ces accès à ces associations. D'accord. Et alors, les petites questions poil à gratter, zéro déchet que j'aime bien. Je voulais savoir quels seraient vos prochains axes de développement. Est-ce que, par exemple, vous avez réfléchi au bilan carbone de vos serveurs ou d'utiliser, voilà, justement, comme vous avez le digital, il y a plein de questions autour de l'utilisation de la technologie, comme dans notre thème du jour pour le bien, la tech for good. Est-ce que vous avez, voilà, des projets ou même actuellement des choses qui vont dans ce sens ? Alors oui, effectivement, nous, on essaye de faire vraiment attention, même au sein de l'équipe, on essaye vraiment de faire attention, on essaie de manger local, on essaie de manger de saison, on a des fruits bio qui arrivent tous les lundis au bureau, on mange vraiment peu de viande, on a du compost au bureau, on est tous un peu dans ces valeurs-là, c'est hyper important pour nous, sur le zéro déchet et par rapport à l'application, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est de sensibiliser les utilisateurs et les commerçants à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais au-delà, à ce bilan carbone, à l'empreinte que l'on laisse finalement sur Terre, et de se dire que, voilà, aujourd'hui, je lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'est pour avoir un vrai impact sur la société. Et ce qu'on fait également chez nos commerçants, on leur demande aussi de mettre le moins d'emballage possible pour aller dans ce sens de zéro déchet. Et est-ce que, par exemple, on pourrait envisager une réduction pour les personnes qui viennent avec leur propre contenant, surtout que ça s'y prête totalement, puisqu'on est obligé d'aller dans tous les cas chez le commerçant ? Ouais. Une fois qu'on a réservé. Ouais, c'est une bonne idée. Alors nous, ce qu'on fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on note sur l'application, on demande à l'utilisateur de venir avec son propre contenant et son propre tote bag. Et effectivement, si l'utilisateur n'a pas forcément ramené ou pu ramener, dans certains commerçants, s'il souhaite avoir des sachets, des sacs, il doit effectivement payer un prix supplémentaire. C'est génial, ça. Merci à vous pour cet échange. Merci pour la cohérence, Camille. Merci, Hélène, pour ton intervention. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Je vous invite quand même à aller, si vous ne faites pas partie des 700 000 utilisateurs de Too Good To Go, allez télécharger l'appli sur iTunes et sur Apple, Google, pardon. Et si vous voulez aussi découvrir un peu le projet de manière plus globale, il y a toogoodtogo.fr. Super. Et du coup, merci Camille et merci Hélène pour cet échange hyper intéressant. Merci pour cette cohérence qui fait du bien à voir. Nous, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief. Pour nos éditeurs, hein, si vous ne faites pas partie des 700 000 personnes à avoir téléchargé Too Good To Go, c'est sur Apple et sur Google que ça se passe. Pour en savoir plus sur le projet, c'est aussi sur toogoodtogo.fr. Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, nous parlons de la technologie qui accompagne les gens dans la construction d'un monde meilleur. D'ailleurs, faire bouger les choses, ça implique forcément de valoriser les projets positifs. Hein, c'est ce qu'on fait. Mais ça passe aussi par le fait de secouer les entreprises qui ont des pratiques douteuses. Et c'est justement ce que propose l'event ACAR sur la plateforme iBoycott. Moi, je suis parti à sa rencontre pour qu'il puisse nous en dire plus sur ce projet. Allez, on l'écoute tout de suite. iBoycott, l'event, qu'est-ce que c'est ? Alors, iBoycott, c'est un contre-pouvoir citoyen. L'objectif est de créer un dialogue entre les multinationales qui sont à l'origine de pratiques ou de scandaleuses et les consommateurs. Et à côté de ça, les consommateurs aussi, ça permet aussi de publiciter les alternatives qui montrent des manières d'entreprendre plus éthiques et durables. Et du coup, comment ça fonctionne ? C'est sur une plateforme internet, non ? Oui, alors c'est une plateforme internet qui a été créée il y a un peu plus d'un an, qui réunit aujourd'hui 80 000 consommateurs. Mais l'idée est loin du clicktivisme, en fait. L'objectif, c'est de donner un droit de réponse suite à une campagne de boycott menée contre une entreprise. Concrètement, je vais donner un exemple. Starbucks, depuis 2004, ne paye pas d'impôts. Il y a une campagne qui est lancée. On donne un droit de réponse à Starbucks. Starbucks a répondu en disant qu'ils commenceront à payer leurs impôts lorsqu'ils finiront leur investissement. Cette réponse est envoyée à l'ensemble des boycottants qui vont décider de manière individuelle s'ils lèvent ou pas leur boycott. Et à côté de ça, les consommateurs ils peuvent proposer des alternatives. Donc en fait, on dépasse un peu le boycott. Oui, c'est exactement ça. Il y a une phase d'éveil en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le boycott, ça touche vraiment l'indigné du canapé. Les personnes qui sont en dehors justement des cercles plutôt conquis. Et c'est une porte d'entrée magnifique. Et à côté de ça, en fait, ils découvrent les alternatives qui vont être mises en avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont agir. C'est un contrat moral qu'ils vont passer en boycottant au quotidien. Et les entreprises, elles en disent quoi? Alors, au niveau des entreprises, généralement, il y a plusieurs réactions. Soit ils refusent le dialogue, comme actuellement Coca-Cola ou Lu. Il y en a énormément qui ont répondu aux boycottants, Lactalis, H&M, Starbucks et j'en passe. Et il y a aussi des entreprises qui ont pris de réels engagements. Donc il y a Oasis, Jouet Club, mais notamment aussi Petit Navire qui se sont repris à deux fois pour prendre des engagements et convaincre la majorité des boycottants. Typiquement, c'était sur le DCP, ils ont pris des engagements pour réduire, en fait, pour changer leur méthode de pêche vers des méthodes de pêche plus durables et un audit tous les 6 mois avec l'association Greenpeace. Et comment on choisit les combats à mener, les boycotts? C'est toi qui décides? C'est apporté par les personnes qui sont sur le site, qui sont enregistrées sur iBoycott? Alors, ça, on l'a fait en plusieurs étapes. Au début, c'était nous qui lancions nos propres campagnes de boycott. Après, on a ouvert aux associations. Et dernièrement, on a ouvert à tous les citoyens. Mais par contre, quand un citoyen lance une campagne de boycott, ça passe par une étape d'incubation pour éviter toutes les questions de diffamation, dénigrement, discrimination, contrefaçon. Et là, on fait appel à l'intelligence collective pour donner un avis, en fait, sur les campagnes qui vont être créées. Il faut qu'elles dépassent un seuil de 1000 boycottants en un mois parce qu'on ne veut pas boycotter le boulanger du coin. Ce qui est intéressant, en fait, c'est la première fois dans le domaine économique qu'on permet à une entreprise de répondre directement aux boycottants. Donc déjà, ça, c'est juste en termes de marketing, en fait, c'est un cadeau qu'on leur offre et qui est hallucinant. Ça montre aussi le côté bienveillant parce qu'on ne veut pas aussi abuser de notre position de force là-dessus, sachant que le dernier mot, ce sont toujours les consommateurs qui l'ont. Nous, on a des personnes, là, on voit qu'on touche l'humain ou des personnes en interne dans les entreprises veulent changer. Typiquement, il y a une entreprise, je ne donnerai pas forcément le nom, mais qui disait, moi, j'enlève ma casquette et personnellement, moi, je soutiens votre démarche. Et là, ça devient extrêmement intéressant et puissant parce que c'est le changement qui s'opère auprès des entreprises. Et toi, justement, en parlant d'humain, qu'est-ce qui t'a fait dire, tiens, iBoycott, c'est ça que je veux créer? Quelle est la motivation? Comment tu m'expliques tout ça? Alors, ça, clairement, en fait, on a tous vécu ce moment où on regardait un cache investigation, un envoyé spécial, et quand on éteignait la télé, on se disait, mais on est complètement dépassé par ces scandales, on est frustré, on est impuissant. Et on s'est dit, mais c'est quand même dommage dans une société de consommation. Et typiquement, avec le recul, quand on a vu l'histoire de Gandhi, Martin Luther King, Mandela, l'utiliser de manière magistrale et de rendre tout cela concret, pour moi, c'était extrêmement important parce que les alternatives, c'est bien, mais malheureusement, ça ne touche pas le fond du problème qui aujourd'hui est le cadrage en fait, du domaine économique. Là, on parle de campagnes qui sont virtuelles. Est-ce que iBoycott, vous rassemblez aussi les gens dans la vraie vie? À côté de ça, en fait, on a voulu aussi créer un contre-pouvoir sur le terrain. On a créé 12 antennes en 11 jours en faisant un tour de France. Et là, typiquement, on lance en fait chaque mois une action sur le terrain auprès des consommateurs. La dernière action qu'on avait faite, c'était Starbucks. On demandait directement aux personnes qui sortaient de Starbucks de manière bienveillante qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'ils ne payent pas d'impôts, etc. Ils sont complètement scandalisés, les gens boycottent. Elle a eu 2 millions de vues cette vidéo. On en a fait une deuxième sur Coca-Cola, sur Starbucks, sur H&M. Souvent, il y a énormément de vues. Et ce qui se passe, en fait, nous, c'est une action synchronisée. Donc, on le fait à Lyon, mais de manière synchronisée, on le fait aussi dans toutes les antennes, devant les boutiques ou les magasins de ces marques-là. Voilà. Et après, on envoie cette vidéo, en fait, par communiqué aux chargés de com ou marketing des entreprises. Généralement, ils réagissent après. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et c'était Levent Takar, cofondateur de la plateforme iBoycott. Vous aurez plus d'infos sur le site www.ai-boycott.org et bien entendu sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Tout de suite, on se fait un petit break musical et ensuite, je passerai la parole à Mélanie de OneArt pour son bon plan. We'll be right back. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Oui, vous êtes au bon endroit, on change le monde ici, on est dans l'émission « Ça commence par nous » et moi je laisse le micro à Mélanie du Média Positif One Art. Salut Mélanie. Bonjour tout le monde. Bon, tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous, ça fait un moment que je n'étais pas là. Et aujourd'hui, pour parler de technologie qui accompagne au changement, je vais vous parler de One Art Spot, l'outil digital qu'on a développé qui permet aux gens de consommer et d'agir de manière plus responsable au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette dans la peau de Pierre. Qui est Pierre? Alors Pierre, il a 25 ans, c'est un jeune homme qui déborde d'énergie, il a des idées plein la tête, il a envie de changer le monde, il a envie de profiter de la vie, il a envie de se faire plaisir tout en protégeant notre planète. Mais comment? Alors on va imaginer le week-end de Pierre. C'est samedi, il est 10h, Pierre se réveille, il a un peu la flemme, il fait froid, il n'a pas envie de sortir de son lit, mais il a tellement de choses à faire. Et la veille, il a un peu rangé son armoire et il a vu qu'il y avait un grand nombre de vêtements qu'il ne mettait plus. Donc il est allé voir sur One Art Spot comment faire pour se débarrasser de tous ces vêtements inutiles et il est tombé sur Le Relais, une antenne d'Emmaüs qui est spécialisée dans le recyclage textile et il a vu qu'il y avait une adresse juste à côté de chez lui, donc il s'est dit super, j'irai déposer mes vêtements là. Donc Pierre, il se motive, il sort de chez lui, il enfile son manteau, ses baskets et il prend son petit tote bag et ses contenants. On ne sait jamais hein, s'il a envie de lui prendre d'aller faire quelques courses. Et il se met en route. Et il a également vu que sur One Art Spot, il y avait une boulangerie pas très loin du relais. Donc très bien. Il dépose ses vêtements, il va à la boulangerie. Elle est bien faite quand même. Hein, elle est bien faite. Et j'ai peut-être oublié de préciser que Pierre, il se trouve à Lyon. Donc il trouve une boulangerie qui s'appelle le Fournil Paume de Pain, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement. Et là, il ressort avec des biscuits avoine et chocolat, bio, artisanaux. Et il en profite pour prendre un petit pain de campagne bio au levain naturel. Donc là, il est hyper heureux, et il ressort de la boulangerie. Et là, il fait super froid. Et il se dit, bon, ben, je m'achèterai bien un petit bonnet, mais je sais pas trop où. Donc il se connecte sur One Art Spot, et il va dans la catégorie Choper solidaire. Et il trouve Mode Éthique à quelques pas de lui. C'est super, à quelques pas de lui. Donc il se rend à Mode Éthique, et il trouve un petit bonnet coton bio, issu du commerce équitable. De quoi faire une bonne action un samedi matin. Il ressort de là. Il est au chaud, il se dit « bon ben tiens, j'ai un peu de temps, je vais faire une petite balade. J'ai un train cet après-midi, mais je suis large. » Donc il se balade un peu dans les rues de Lyon et il tombe même sur des adresses qu'il ne connaissait pas. Monde Éthique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boutique de mode, mais également qui propose des produits bio, issus du commerce équitable, durable. Et il se dit « bon, ben, je ne connaissais pas cette adresse, je vais peut-être la rentrer sur One Art Spot plus tard, parce que c'est collaboratif et que c'est toujours bon de partager ses bons plans. » Et ensuite, il se dirige vers Mamie Marie, qui est une épicerie située dans le 7e arrondissement. Donc là, il fait une petite trotte et il arrive dans ce lieu super sympa qu'il a découvert, pareil, sur One Art Spot. Grâce à une vidéo, il a été séduit par la gentillesse de Marion et Benoît. Et depuis, il fait ses courses-là tous les week-ends. Donc comment ça marche? C'est une épicerie vrac qui propose des produits locaux, bio et de saison. Et il en profite, il achète quelques fruits secs, quelques légumes qu'il met dans ses contenants et il repart de là très très heureux. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il rentre chez lui, il est 13h et qu'est-ce qu'il fait? Il allume la radio pour écouter Ça commence par nous, une émission qui vous propose des solutions pour agir de manière concrète. Et bon, c'est l'heure de se mettre en route pour la gare, il doit rejoindre des amis à Paris et heureusement il a trouvé sur One Art Spot une adresse pour faire la fête, le Social Bar, situé pas très loin de Gare de Lyon à Paris, un bar solidaire qui reverse 50% de ses bénéfices aux associations, de quoi faire la fête tout en étant solidaire. Bah franchement, moi je sais pas qui c'est ce Pierre, mais déjà il est glouton et puis il a quand même un peu de cœur, donc voilà, hein, bravo pour tous ces Pierres qui nous écoutent. Merci Mélanie pour le bon plan de One Art et on se retrouve tout de suite, hein, on va faire un petit débrief sur comment la technologie peut nous accompagner au changement. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par nous. Dernière ligne droite de cette émission, ça commence par nous. Aujourd'hui, on découvre comment la technologie peut aider au changement individuel au quotidien. Moi, la première question que je voulais vous poser, hein, c'est vous, autour de cette table, est-ce que vous utilisez des applications ou des sites internet pour devenir de meilleurs éco-citoyens? Camille, je te vois faire oui. Est-ce que tu veux nous partager tes bons plans? Déjà, j'utilise forcément l'application Too Good To Go. C'est assez pratique. Voilà, c'est simple. Après, il y a effectivement pas mal d'applications. Je sais que Étiquetable aussi, ça marche super bien. Du coup, ouais, je l'utilise. Il y en a plein. Il y a plein de bons plans. Il y a plein d'actions à faire. Et j'essaye d'en faire le plus possible et au jour le jour. Donc, voilà, pour moi. Concrètement, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a envie de partager un peu ses bons plans, Jonathan, peut-être ? Moi, c'est souvent les moteurs de recherche. Je trouve ça assez pratique. Mmh. Il y a par exemple Ecosia, Lilo, qui permettent de financer pour Ecosia de la plantation d'arbres, de soutenir des projets de reforestation. Et Lilo reverse aussi une partie de ses bénéfices à des associations. Et donc, ça peut vraiment changer, que ce soit dans son quotidien, mais même au bureau. Hein. Il ne faut pas hésiter à installer ces moteurs de recherche. Ouais, c'est des moteurs de recherche qui, du coup, se téléchargent par des extensions sur son navigateur, mais qui peuvent aussi exister maintenant en appli. Hein, on est d'accord. Toi, est-ce que, Shafik, tu as une application qui devient quelque chose que tu utilises au quotidien pour t'aider à changer le monde? Ouais, on va croire que je l'ai dit parce qu'elle l'a dit, mais je suis effectivement utilisateur de Too Good To Go depuis un moment. Et il y a une autre appli aussi que j'utilise qui s'appelle Open Food Facts. Qui informe sur les produits industriels. Vous scannez, vous achetez un produit au supermarché, vous le scannez, il vous donne plein d'infos sur tous les additifs chimiques, sur aussi s'il y a trop de sucre, trop de sel, etc. Donc c'est hyper bien fait, et c'est pareil, c'est collaboratif, c'est gratuit. Collaboratif et gratuit, les mots qui font plaisir. Hélène, toi, tu as des applications à nous partager, des bons plans ? Ouais, alors dans les applications, moi je dois avoir 4 applications de vélo. Étant donné que le Vélib à Paris fonctionne très peu, bon, il y a d'autres applications aussi pour utiliser des vélos en libre-service. Et sinon, autour de la nourriture, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi. J'utilise notamment Vegup quand je veux pouvoir avoir des petites recettes véganes ou végétales très sympas à faire chez soi, et un peu le marmiton écolo. Et également, j'utilise l'application Vegoresto pour aller trouver n'importe où en France, même en Europe, maintenant ils sont étendus, des restos qui vont privilégier le bio, le local et le végétal. Moi, je suis un très mauvais élève. Je vous avoue que, bon, peut-être que des fois, je vais sur Internet pour effectivement trouver un restaurant végétarien, mais je prévois un peu mes sorties. J'ai téléchargé Too Good To Go, j'ai téléchargé Étiquetable, et je n'y retourne quasiment jamais. Est-ce que, dans les retours que vous avez des utilisateurs, c'est un peu ça, finalement, la technologie qui accroche les gens pour les mettre à l'action et faire en sorte qu'ils se lancent et qu'ils se rendent compte qu'en fait, changer le monde, c'est facile? Ou est-ce que vous avez quand même des utilisateurs récurrents qui reviennent, qui alimentent, qui commentent? Toi, Shafik, tu nous parlais de retours un peu positifs par rapport à ça. Bah, nous, c'est vraiment l'objectif, c'est de changer les habitudes. Donc pour nous, c'est hyper important de savoir si ça fonctionne ou pas. Et donc effectivement, l'un des indicateurs, c'est le nombre de personnes qui vont s'intéresser au sujet. Mais effectivement, l'indicateur réel, c'est ceux qui l'utilisent régulièrement et quel impact ça a sur eux. Et donc, on a créé un sondage, on interroge nos utilisateurs et on leur demande, il y a un questionnaire, tous les nouveaux aussi peuvent y répondre, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça a changé quelque chose? Quelles sont les actions que vous avez menées grâce à Étiquetable? Et donc, aujourd'hui, on a à peu près la moitié des répondants à ce questionnaire qui nous donne des exemples concrets, par exemple des gens qui se sont mis à acheter vraiment de saison alors qu'ils ne le faisaient pas avant, ou à choisir les poissons, des poissons durables, qui ne sont pas en surpêche alors qu'ils ne le faisaient pas avant, ou des gens qui se sont mis à manger aussi des recettes plus végétales qu'avant grâce à l'appli. Donc voilà, pour l'instant, on est au début, mais... Pardon, moi j'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez justement sur les applications. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tous un smartphone. Moi, personnellement, je n'ai pas énormément d'applications parce que c'est lourd. Donc, des fois, on fait le choix de supprimer quelques applications pour d'autres applications. Est-ce que, par exemple, vos solutions, est-ce qu'elles peuvent être trouvées sur le web pour ceux qui ne sont pas vraiment smartphone et qui préfèrent agir, mais de chez eux, comme disait Julien, moi, par exemple, quand je cherche un resto, je vais, par exemple, sur OneHeartSpot ou... peu importe, sur d'autres applications pour savoir des adresses proches de chez moi où je peux agir. Est-ce que, voilà, quelqu'un qui veut agir, est-ce que c'est possible aussi d'aller sur vos sites respectifs? Effectivement, une application, pour qu'elle soit efficace, utilisée toujours, ça doit devenir un compagnon de vie. c'est toujours un peu la problématique de se dire tous les matins presque j'en ai besoin. Alors nous, dans notre cas, par exemple avec le mouvement de la solidarité climatique, on s'est dit qu'on ne pourra jamais en faire un compagnon de vie. Donc c'est pas vraiment une application, c'est un site web qui est par contre, quand on est sur mobile, on a vraiment l'impression d'être sur une application. Donc comme ça, en plus, ça permet d'étendre largement la diffusion, parce qu'on est vraiment sur le web. Pour le coup, on peut nous retrouver avec le référencement, on peut nous partager sur les réseaux sociaux, ce qui est beaucoup plus pratique. Et comme je disais, cette application web, on pouvait aussi la diffuser sur plein d'autres sites. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Ça ne sera pas un compagnon de vie. Je ne pense pas qu'on aura ce qu'on peut appeler dans le jargon des taux de rétention, des taux de retour forts, même si on va animer toute cette communauté derrière, on va leur envoyer beaucoup d'informations. Mais voilà, ça sera plutôt de la sensibilisation. Tu parles de communauté, Camille, est-ce que du coup, vous, les 700 000 utilisateurs de Too Good To Go, vous arrivez à faire en sorte qu'eux aussi, eh ben, ils se rencontrent et qu'ils créent des liens? C'est important, non, de vivre ça dans la vraie vie? Ouais, c'est hyper important, effectivement, d'avoir ce vrai lien. On a vraiment créé une communauté, deux communautés, une communauté d'utilisateurs et une communauté de commerçants. Déjà, nous, on n'a jamais voulu mettre en place la livraison. Pour ça, pour ce lien social, c'est important que nos utilisateurs voient les commerçants de proximité, voient les boutiques, voient les différents produits. Donc déjà, là-dessus, on a vraiment ce lien entre nos deux communautés, pardon, et on fait aussi des événements où on rassemble nos utilisateurs, on rassemble nos commerçants pour parler de sujets. C'est ce que je disais tout à l'heure, le but, c'est aussi de sensibiliser, de changer les mentalités, et pour qu'on discute tous ensemble, on a ce sujet tous en commun du gaspillage alimentaire, de la lutte contre ce gaspillage alimentaire, et on discute pas mal ensemble là-dessus. Un exemple d'un événement que vous avez fait, du dernier événement? Ouais, alors on a fait un événement avec nos ambassadeurs les plus proches, nos utilisateurs les plus proches. Ça va être des pique-niques anti-gaspi, donc chacun ramène un petit peu ses différents produits, des produits Too Good To Go, et on partage tout simplement en fait. C'est vraiment d'être ensemble, de partager sur des problématiques communes, des discussions communes, et voilà. On va s'arrêter là, malheureusement, hein. on parle, et l'émission passe hyper vite. J'avais juste une toute petite dernière question pour toi, Mélanie, j'ai pas envie de te piéger, mais tu parlais de ce fantastique Pierre. Toi, est-ce que du coup, même si t'enlèves un peu toutes tes applis, t'as tes réflexes un peu comme ça, t'alimentes One Heart Spot, t'arrives à vivre comme ça au quotidien ou pas? Tout à fait, enfin, je trouve que ce sont des petits gestes, mais qui ont de grands impacts, donc je pense que n'importe qui, hein, n'importe quel Pierre, on va l'appeler comme ça, peut agir à son échelle au quotidien, et même si j'ai pas beaucoup d'applis, je veux dire, il y a tout le temps des solutions sur le web, donc j'ai qu'à me connecter, voir voilà, Too Good To Go, qu'est-ce qui se passe. Après, c'est vrai qu'il faut connaître un peu ce qui se passe autour de nous pour y aller, mais ça change pas grand-chose de pas avoir d'application, c'est pas un frein. Honnêtement, on peut toujours agir. Non, mais c'est ça. Et en fait, du coup, moi, pour terminer, je voulais juste partager. Effectivement, je suis pas un gros consommateur de ces applications. Et à la fois, dès qu'un sujet s'y prête, je suis le premier à parler, bah, justement, de Too Good To Go, de I Will Share, de toutes ces applications qui permettent aussi d'échanger des vêtements, de localiser des endroits un peu comme ça, à toutes ces personnes qui ne passent pas encore à l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un lien un peu particulier avec son téléphone quand même. On a un lien un peu particulier avec son ordinateur. Un lien de confiance, un lien qui s'est créé. Et du coup, bah, pour pas mal de gens qui étaient encore bloqués, ils vont s'y mettre comme ça. Ils vont s'y mettre. Est-ce qu'ils vont y rester? Je sais pas. Shafik me dit oui. Est-ce que tu veux, vas-y, rebondir? Ouais, en 30 secondes. Je voudrais juste te dire que moi, mon objectif, c'est qu'ils n'utilisent plus l'appli étiquetable et qu'ils changent leur manière de manger. Voilà, c'est pas l'utilisation de l'appli qui m'intéresse. Donc, le jour où ils n'utiliseront plus l'appli et qu'ils auront changé leurs habitudes, on aura gagné. Et voilà, on aura gagné. On se mettra tous à la retraite. On l'aura bien mérité. L'émission, bah voilà, comme je vous le disais, elle touche à sa fin. Je tenais à remercier tous nos invités pour leurs interventions de qualité. Hein. Pour rappel, on a eu Jonathan Guyot de Solidarité Climatique, on a eu Shafik Hassal d'Étiquetable, on a eu Camille Colbu de Too Good To Go et Léven Takkar d'iBoycott. Je remercie bien évidemment mon équipe de choc avec Mélanie de One Heart pour son bon plan, Hélène Dédény pour son focus zéro déchet, Raphaël est à la technique et Fabrice notre producteur. Ça commence par nous! Le petit dernier chiffre qui fait plaisir pour clôturer cette émission, c'est 90 milliards. 90 milliards, c'est le nombre d'applications qui ont été téléchargées l'année dernière dans le monde, dont 1,8 milliard en France. 90, c'est aussi le nombre de minutes que passe en moyenne un Français par jour sur ses applications. C'est incroyable, non ? Bref, moi, ça m'a un peu fait peur, mais ça aussi montre le potentiel qu'il y a d'utilisation pour faire du bien, pour construire un monde meilleur. Et du coup, bah, allez, je croise les doigts pour qu'en 2018, ces applications qui accompagnent au changement se fassent une place de plus en plus grande et il y a du boulot. Vous retrouverez bien évidemment le podcast de cette émission sur le groupe Facebook Ça commence par nous et sur rage.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on vous dira tout pour consommer de manière plus responsable. Merci beaucoup d'avoir écouté Rage et je vous dis à samedi prochain, 13h. Salut.